juste là, aimer en mourant. Le but de ce à quoi, bon, avec les années, on finit par... Nous autres, c'est d'être conscient, même dans la mort, pas d'aimer en mourant, dans le sens que de la conscience, tout va de soi dedans. C'est-à-dire que quelqu'un de conscient, il va en avoir de l'amour, pas le choix. Pourtant, c'est plein de gens, il y a plein de gens, une majorité de gens, ils ont de l'amour, ils sont pleins d'amour, mais ils n'ont pas de conscience. Puis ils meurent plus vite. Oh, ben, c'est une programmation qui fait qu'ils vont mourir plus vite. Donc, le but de la conscience, de l'intégration, c'est de briser certaines programmations. La conscience, ça devient quasiment un accident. À l'envers.